Tout allumé ? Ils sont six allumés ? C'est bon. Bismillah, alhamdulillah, wa salati wa salam ala rasulillah. On continue toujours avec les conditions de la ilaha illallah. Et on a vu auparavant les bienfaits de la ilaha illallah. Et on va conclure avec shurut. Shurut la ilaha illallah qui sont donc en nombre de 7 ou en nombre de 8. Donc shurut al-awwal, al-ilmu, al-munafi lil-jahl. العلم المنافي للجهل. ولا شك أن هذا العلم أعظم العلوم وأشرفها، وقد أمر الله به سبحانه وتعالى، فأمر عباده به فقال: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. Donc il n'y a pas de doute que cette science est la meilleure des sciences, la plus importante et la plus noble. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs donc de connaître cette science. Et il dit donc dans la traduction rapprochée dans Sourate Hud, verset 14: sachez que ce qui a été descendu, donc ce qui est unzila bi ilmillah, avec la science d'Allah, et que nulle divinité à part Allah. Et l'imam al-Baghawi dit: hey, fa'alamu an la ilaha illahu. L'imam al-Baghawi dans le tafsir, donc il dit: sachez qu'il n'y a nulle divinité à part lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ici on a fa'lamu, sachez. Et cela donc revient au ilm. Kama amara Allah subhanahu bihi nabiyyana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal amru li ummatihi ayda. Faqala nabiy qala subhanahu wa ta'ala: fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Ibn Jarir: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يجين له بربوبية لكل ما دونه. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cet ordre donc est valable pour toute la communauté, où il dit: sache qu'il n'y a donc de divinité qu'Allah. Et Ibn Jarir al-Tabari dans le tafsir donc dit: Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit à son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: sache ô Mohammed qu'il n'y a pas de divinité donc qui mérite d'être adoré. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adoré. Et il est donc il t'est permis à toi et à la créature d'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé, donc ce qui est le créateur de la créature, de la création, et celui qui est le roi de toutes choses, celui donc qui possède toutes choses et tout, donc est servi, où tout revient à sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Donc ici c'est un short, c'est ici donc on a dit donc un short. C'est pour ça aussi que Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi les preuves du short du ilm, c'est illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, sauf ceux qui attestent en toute vérité et ils savent, alors qu'ils savent. Et même Tabari dit rahmallah: وشهادته بالحق وإقراره بالتوحيد الله يعني بذلك إلا من آمن بالله وهم يعلمون حقيقة التوحيد يعلمون حقيقة التوحيد. الإمام الطبري دي رحمه الله donc son attestation en toute vérité c'est le fait donc de qu'il atteste et affirme donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que aussi donc illa man amana billah, c'est aussi sauf pour celui qui croit en Allah, et ils savent, et ils reconnaissent et connaissent donc le tawhid, l'unicité authentique. L'unicité donc authentique. Il y a encore bien sûr d'autres preuves que cela. Et aussi parmi les preuves dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man mata huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah » Celui qui meurt alors qu'il a la connaissance qu'il n'y a nulle divinité à part Allah, entrera au paradis. Et le hadith, on l'a vu auparavant. Donc aussi le hadith, il est sarih. Il est clair que la science donc est une condition. Deuxième shart, al-yaqin, al-munafi lish-shak. Donc la certitude qui donc renie, qui repousse le doute. Wal-yaqin huwa al-ilm rasikh fi al-qalb al-thabit fi. Donc al-yaqin, la certitude, c'est la science qui est affermie dans le cœur. Elle est raffermie, elle est consolidée ou dans le cœur. بحيث لا يكون يعني عرضة للريب ولا الشك والموانع. Donc le shak c'est والموانع يعني. C'est-à-dire que ce cœur donc n'est pas propice à accepter donc le doute et aussi ce qui va donc annuler et ce qui va en vérité donc arrêter donc cette certitude, qui va empêcher cette certitude, qui va empêcher donc cette certitude. الحافظ الحاكم رحمه الله دونك دي والثاني اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما دونك la seconde condition c'est la certitude qui repousse et qui renie le doute, c'est-à-dire que celui qui prononce cette parole est sûr de ce que veut dire donc cette parole. Donc ici, il y a une certitude qui est bien ferme. فَإِنَّ الْإِمَانَ لَا يُعْنَ فِيهِ إِلَّا عِلْمِ الْيَقِينِ لَا عِلْمِ الظَّنِ فَكَيْفَ إِلَا دَخَلَهُ الشَّكِ. Donc la foi, en vérité, donc, ne sera en vérité ici, la foi a besoin que de science, donc de certitude, de science en vérité qui est certaine. Et non pas de science, donc, ou lire le doute, alors que dire donc si le doute serait rentré ici donc dans cette science, dans cette science là. Et parmi les preuves de cela dans le livre d'Allah Azza wa Jal, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans la traduction rapprochée, certes les croyants sont donc seuls les croyants sont ceux qui croient en Allah et en son envoyé et ne doutent pas. Et ne doute pas. Donc on comprend le contraire. Donc si le doute y entre, donc la croyance n'est pas donc raffermie, n'a pas donc eu cette condition. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il a dit أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيهما إلا دخل الجنة. Donc il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc j'atteste qu'il n'y a nulle divinité à part Allah et que je suis l'envoyé d'Allah. Donc chaque personne qui rencontre Allah avec ces deux paroles, alors qu'il n'a pas douté, il entrera au paradis. À chaque fois qu'une personne donc qui rencontrera Allah avec ces paroles, et qui n'y doute pas, il entrera donc au paradis. Et c'est pour ça que le Hafid, donc Rahmallah, dit فَاشْتَرَتَ فِي دُخُولِ قَائِلِهَا الْجَنَّةِ أَنْ يَكُنْ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ غَيْرَ شَاكٍ فِيهَا وَإِذَا انْتَقَ الشَّرْطُ وَإِذَا انْتَفَى الشَّرْطُ انْتَفَى الْمَشْرُوطُ. Donc il dit, Cheikh Hafid al-Hakami, Rahmallah, il a conditionné, donc sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, l'entrée au paradis de celui qui prononce cette parole, qu'il soit donc sûr de ce qu'il dit, donc qu'il a la certitude de sa parole, sans qu'il doute, son cœur donc est rempli de certitude, il n'est pas rempli de doute, ou il n'aurait pas de doute dans cette parole-là. Et si le doute, ou bien plutôt si la condition n'y est pas, donc le mashrou, c'est-à-dire le fait de rentrer au paradis, n'y sera pas. Donc ce qui va, donc, c'est-à-dire le fait d'entrer au paradis. Le fait qu'il n'y a pas, donc la condition, il n'y a pas donc ce résultat. La troisième condition, c'est al-ikhlas. Al-munafi li-shirk. Donc la certitude qui repousse et qui rejette le politisme, ou plutôt l'associationnisme. Donc ici, c'est et cette condition en plus, c'est donc la condition, l'origine des conditions. Et c'est la plus importante. Et c'est celle qui englobe toutes ces conditions. Toutes ces conditions. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Certes, Allah a interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah en y recherchant avec cela la face d'Allah. En y recherchant donc avec cela la face d'Allah. Il y a aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on l'a mentionné dans le cours auparavant. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه أو نفسه. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira, donc celui, la personne la plus heureuse donc face à mon intercession, est celui qui dit la ilaha illallah non sincèrement de son cœur ou de son fort intérieur. Troisième condition, c'est sidq al-munafi lil-kadhib. Donc, reconnaître cela comme véridique et ne pas donc, dire que cela est du mensonge. Donc ici, c'est-à-dire que la personne elle est donc والمقصود بهذا الشرط أن يكون صادقا في قولها بحيث يواطي قلبه لسانه. Comme dit toujours donc le Hafid ibn Hajar dans Ma'arij al-Qabul. Et le vouloir dire de cela, de cette condition, c'est que la personne donc le dit sincèrement avec vérité, le dit donc véridiquement, et que son cœur est en parfait accord avec sa langue. Donc ce qu'il dit avec sa bouche, cela en vérité est ancré dans son cœur. Il est ancré donc dans son cœur. Et Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahmahullah, dit lui, Rabi'a dit, sidq al-munafi lin-nifaq. Donc ici le sidq al-munafi lin-nifaq. Donc ici il sera quoi? Il va repousser quoi? Donc ici il rejeté en vérité sera contraire à quoi? À l'hypocrisie. Li anna al-munafiqina yaqulunaha lakin lam yutabaq ma qaluhu lima ya'taqidunahu. Car les hypocrites le disent, mais ce qu'ils disent n'est pas en conformité avec ce qu'ils ont comme conviction. فصار قولهم كاذبا كذا يعني كاذبا لمخالفة الظاهر الباطن. Donc leur parole est du mensonge car c'est en opposition, car le voyant est en opposition avec le caché, avec le caché. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsqu'il mentionne donc les munafiqin, il dit bien ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر باليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Donc et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, et ce ne sont pas des croyants, et ils ne sont pas croyants. Et ce dit aussi subhanahu wa ta'ala, yani ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Et ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. وقد يقال ما الفرق بين الصدق والإخلاص. On peut se poser la question quelle est la différence entre donc ce sidq ici, donc le fait de reconnaître de cette véracité, donc la véracité et la sincérité. وما الفرق بين الصدق واليقين. Et quelle est aussi la différence entre sidq et la certitude. Elle jawab la question أما عن الصدق والإخلاص فلا ينكر أن بين شرطين تقاربا. Donc entre الصدق et الإخلاص, donc personne ne va renier qu'ici entre les deux conditions, en vérité, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. بل تلازما. Donc en vérité, c'est. Il y a du تلازم. غير أن الإخلاص ينافي الشرك. Sauf qu'ici, dans la définition, et là on va voir la différence, elle est dans la définition, c'est que l'ikhlas, donc yunafi quoi? Shirk. Donc son contraire c'est, l'ikhlas c'est le politisme, donc l'associationnisme. Et sidq, son contraire c'est al-kadhib. Sinon, il y a des similitudes. Il y a ici donc des similitudes. Donc lorsque on dit talazuman, c'est-à-dire qu'en vérité, l'un ne peut pas se séparer de l'autre. Ils sont alliés, ils sont reliés. Et Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan dit: والصدق والإخلاص متلازما لا يوجد أحدهما بدون الآخر. Donc Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan rahmallah dit: الصدق et l'إخلاص donc sont alliés, sont reliés, l'un ne se retrouve pas sans l'autre. Si l'un existe, l'autre existe. فإن لم يكن مخلصا فهو مشرك ومن لم يكن صادقا فهو منافق. Si la personne n'est pas sincère, elle est donc politiste. Et si elle n'est pas véridique, elle est donc hypocrite. من قالها غير صادق في قولها في قوله فإنها لا تنفعه. Celui qui dit, qui prononce donc cette parole qui est la ilaha illallah, alors qu'elle n'est pas véridique dans sa parole, donc cette parole ne va pas lui être d'utilité. لمخالفة القلب اللسان. Pourquoi? Parce que le cœur est en opposition avec la parole. كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Donc cela est le cas des hypocrites, ceux qui disent avec leur bouche ce qui n'est pas donc dans leur cœur. وكذلك حال المشركين. Et donc pareil pour la situation des mushrikin. فلا تقبل من مشرك. Donc cette parole ne sera pas acceptée de la part d'un mushrik. Il le dit mais il est en même temps mushrik, cette parole donc ne sera pas profitable. L'immunafat et shirk et l'ikhlas. Car le shirk, être en opposition, après elle prouve qu'elle renie cette sincérité. Amma an al-sadq wal yaqin. Sinon, la différence entre sadq et yaqin. Fa ahaduhuma far'un an al-akhar. L'un découle de l'autre. C'est comme s'il y avait une base et l'autre c'est un soubassement. فمن استيقن قلبه صدق في قولها اي طابق لسانه القلب لسانه قلبه. Donc celui dont le cœur est sûr, donc ici dans son cœur, donc il y a la certitude, celui dont le cœur est rempli de certitude, donc dit, donc sera véridique dans sa parole, et que sur sa donc que le sait sera en vérité, il suit quoi? El yaqin. Donc l'yakin c'est à l'intérieur, d'accord? L'yakin donc il est intérieur, il est la certitude à l'intérieur, elle est à l'intérieur et elle est la base. Et le sifre c'est son soubassement, c'est en vérité donc son soubassement et c'est le sifre va venir après l'yakin. Et s'il est sincère, s'il est véridique dans cela, donc elle est en conformité, c'est-à-dire que sa langue, et sa prononciation, ce qu'il aura prononcé. Donc sera en conformité avec ce qu'il avait dans son cœur. وَالصِّدْقُ يُقَابِلُهُ الْكَذِبُ. Et صدق, donc son contraire c'est الكذب. وَالْيَقِينُ يُقَابِلُهُ تَكْذِبُ وَالشَّكُ. Tandis que l'yakin, la certitude, donc son contraire c'est تَكْذِبُ, le fait de rendre cela donc faux, et aussi le doute. وَكِلَاهُمَا مِنْ حَلِ أَهْلِ النِّفَاقِ. Et les deux donc font partie des cas et des situations des gens de l'hypocrisie. والعياذ بالله. On a vu 4 ou 5 conditions. Non, ça 4 non, parce que j'ai passé une page. Je suis arrivé à la 6. Je disais bien non. الشرط الخامس. Donc la 5e condition c'est المحبة المنافية لعدمها. Donc cette condition c'est l'amour qui va donc être en opposition, qui va refuser et rejeter donc le fait de ne pas aimer, le fait de ne pas aimer. Wal maqsoud bi hadha ash-shart محبة ما دلت عليه من الإخلاص من الإخلاص لله والنبذ للشرك. Donc le morceau de l'ikhlas ici de l'mahabba, c'est donc ce qui va ici être démontré à travers notre sincérité envers Allah Azza wa Jal, et le fait donc de repousser le shirk, le fait de repousser et de combattre ce shirk. Et toujours donc Cheikh Al-Hafid Al-Hakami Rahmanullah, Hafid Al-Hakami Rahmanullah, donc il dit Al-Mahabba li hadhihi al-kalima lima iqtadathu wa dallat alayhi ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. Donc l'amour de cette parole et de ce qu'elle comprend, ou de ce qu'elle a en vérité démontré comme sens, ainsi que les gens de cette parole, donc ceux qui prononcent la ilaha illallah, le fait d'aimer les gens du tawhid, et ceux qui mettent en pratique, donc ceux qui mettent en œuvre donc cette parole-là, et ceux qui sont assidus, s'accrochent à ces conditions, et aussi le fait de détester ce qui est en contradiction avec cela, ou bien ce qui annule cela, ou plutôt, donc ce qui va être en aliénation avec cela. Wa aslu hadhihi al-mahabba wa asasuha dun ash-shakk محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. L'origine donc de cet amour et sa base, sans doute, donc sans nul doute, c'est l'amour d'Allah سبحانه وتعالى et l'amour de son envoyé صلى الله عليه وسلم. فإن هذه المحبة أصل التوحيد وروحه. Car cet amour, c'est l'origine de l'unicité et donc son âme. كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وعمدة الإسلام وعموده donc il pilier le pilier ici de l'islam وعليه فمن لا محبة له لا توحيد له ولا إسلام البتة. Donc à travers cela, celui qui n'a pas d'amour donc de cette parole, hein, il n'a pas d'unicité, donc n'a pas d'unicité dans cette parole, automatiquement il n'aura pas unifié par rapport à cette parole, il n'a pas d'islam. Il n'a pas du tout d'islam. Al-Batta. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim rahimahullah dit, lorsqu'il parle de Mahabba, hiya asul aqd al-iman alladhi la yadkhulu fihi ad-dakhil illa biha. Donc c'est l'origine du lien, l'aqd, du pacte, donc de la foi. Celui, donc, dans, c'est-à-dire que la personne n'entre dans cette foi, la personne donc ne possède cette foi, que à travers, que en passant par cette parole-là. وَلَا فَلَاحَ لِلْعَبْدِ وَلَا نَجَاتَ لَهُ مِنْ عَذَبِ اللَّهِ إِلَّا بِهَا. Et la personne ne sera pas heureuse, n'aura pas de réussite, donc elle ne sera pas sauvée du châtiment d'Allah que à travers et que par cette parole-là. Donc il est obligé de passer par là. وَمَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ بِهَا عِلْمًا وَحَالًا وَعَمَلًا لَمْ يَتَحَقَّقْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Et celui qui ne va pas concrétiser cette parole-là en la connaissant par science, en ayant connaissance de cette parole et en mettant en pratique cette parole, donc n'aura pas concrétisé l'attestation donc qui est donc la ilaha illallah. فَإِنَّهَا سِرُّهَا وَحَقِيقَتُهَا وَمَعْنَاهَا. Car donc c'est son secret, sirruha, donc c'est on va laisser comme ça dans son secret, et son hakira, donc sa réalité et son sens. Et donc son sens. Celui en vérité qui n'aura pas donc aimé justement cette parole-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa min an-nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Donc par rapport à Dalil al-Mahabba, et parmi les gens, ceux qui prennent en dehors d'Allah donc des alliés ou des associés, ils les aiment comme l'amour d'Allah. Tandis que ceux qui ont cru aiment plus Allah. Ils aiment plus Allah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, personne d'entre vous ne sera donc croyant jusqu'à ce que je suis plus aimé, donc jusqu'à ce que je m'aime plus que lui-même, ainsi que son père et son enfant, et toutes les personnes. Donc la première personne à aimer parmi les personnes, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ أَحَبَ اللَّهُ ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب الدين الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولبد. Celui qui aime Allah et son envoyé صلى الله عليه وسلم, donc aime la religion d'Allah et ce dont avec le prophète صلى الله عليه وسلم est venu avec. Et ولبد, c'est une obligation. On peut pas passer par autre chemin que cela. On peut pas passer donc chemin que cela. Et découle ويتفرغ عن هذه المحبة لمحبة المؤمنين والولاء لهم وبغض الكافرين والبراءة منهم. Et découle de cet amour, donc l'amour des croyants et le fait d'y être allié, et donc détester les kafirin et aussi de s'y innocenter. Et donc la sixième condition et l'avant-dernière, donc el kaboul el munafil el rand. Al-Qaboul. Donc l'acceptation qui repousse et qui est contraire à quoi? Au refus. Alors donc le fait de rejeter ça. Ici il n'y a pas de rejet. Wal maqsoud bi hadha ash-shart fi kalimat at-tawhid an yaqbala ma dallat alayhi min ikhlas al-ibadati lillahi wahdah wa tark ibadati ma siwah wa an yaltazima bi dhalika wa yarda bih. Donc c'est dans Majmou' al-Fatawa Cheikh Ibn Baz rahmoullah 1 232. Donc le vouloir dire et la signification de cette condition dans la parole de Tawhid, c'est donc d'accepter donc ce que veut dire cette parole, dans quoi? Donc dans la sincérité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul sans associé, et de délaisser l'adoration d'autres que lui subhanahu wa ta'ala, et de s'accrocher et d'être assidu à cette adoration donc sincère, et d'agréer cela. C'est ça le kaboul. C'est le fait d'être, donc, d'être en vérité sincère et d'agréer cette sincérité de ce que tu fais. Donc tu acceptes et tu agrées. وتوضيح هذا الشرط, et le fait d'expliquer et l'éclaircissement de cette parole et de cette condition, c'est que أن كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إذا نطق بها يعني عالما بمعناها مستيقنا بمقتضاها مصدقا بها حتى يقبلها ويلتزم العمل بها. Donc celui qui prononce cette parole, elle ne lui sera pas profitable que si donc il connaît son sens, il est sûr, il est certain donc de ce que comprend cette sens là ce sens-là, donc, comme œuvre et autres, il est bien sûr, pour lui, tout cela est véridique, et aussi, tout cela ne sera pas valable que si il accepte et qu'il est assidu à cette parole. Il accepte, donc, il a agréé cela. Il a agréé cela. Et donne des exemples ici, Shir. Hafzallah ta'ala. Il dit, fa'ina min al-nas, man yuqin bi-sihhati madlul al-shahada. Hein? Man yuqin. Et parmi les gens, il y a des gens qui sont sûrs que cette shahada, et ce qu'elle comprend donc, est véridique. Wa yasduqu bi-anna al-islam huwa ad-din al-haq, lakinnahu ya'ba dukhul fihi. Et il reconnaît, il dit bien sûr sur la vérité que l'islam c'est la religion de vérité, mais simplement il refuse d'y entrer. Les kibrin, ou khawfin, ou gharadin dunyawi, à cause de l'orgueil, par peur ou par un gain, ou pour une, donc, une raison de mondaine, pour une raison mondaine. Ou li ghayri dhalika min al-asbab, ou par autre cause que cela. Comme qui? Kahali Abi Talib, comme le cas d'Abu Talib que vous connaissez. C'est qui Abu Talib? C'est l'homme du prophète sallallahu عليه وسلم. وكثير من اليهود وكثير من المستشرقين في العصر الحاضر comme beaucoup de juifs non, qui ne sont pas entre les saints, pourtant ils connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore mieux qu'ils connaissaient leurs enfants, et comme beaucoup de d'orientalistes à cette époque. فَإِنَّ الْوَاحِدَ مِنْ هَوْلَاءِ لَا يَنْفَعُهُ هَذَا التَّصْدِقِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ بِأَحْكَمِ الْإِسْلَامِ. Donc, qui que ce soit parmi ces personnes-là, donc, le fait de reconnaître l'islam comme véridique ne lui sera pas profitable. Cette reconnaissance ne lui sera pas profitable jusqu'à ce qu'il soit assidu et qu'il s'accroche aux règles de l'islam. Règles du tawhid. Les autres règles. بل لو أضاف إلى هذا التصديق ترديد الشهادة التوحيد إعجابا بها. Même s'il ajoutait dans ce tasdiq le fait de répéter quoi, de prononcer la shahada, parce qu'il est étonné par cette shahada, il aime cette shahada. مثلا وليس إعلانا للدخول في الإسلام وقبوله فإنه لا ينفعه. Mais le dit pas par le fait d'annoncer aux gens qu'il est entré dans l'islam et qu'il a agréé l'islam, qu'il a agréé cette parole-là, donc en vérité, cela ne lui sera pas profitable. Ça ne sera d'aucune utilité. C'est pour ça que le morceau « Anna man sharat al-i'tidad bi kalimat al-shahada an takun ala sabil al-i'tizam » C'est pour ça que celui qui, parmi les conditions, donc là, celui qui donc prononce donc le fait la prononciation aussi de la kalimat de shahada, il faut qu'elle soit avec l'iltizam, il faut qu'il y ait ici donc le fait de s'accrocher à cette parole, le fait de s'accrocher à cette parole. Ibn al-Qayyim rahimahullah il mentionne dans Zad al-Ma'ad lorsqu'il dit iqraru al-kahin الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم يعني طاعته ومتابعته. Donc il y avait ici donc le devin الكتابي, la personne du livre, qui a reconnu que le prophète صلى الله عليه وسلم était un nabi, mais il n'est pas entré dans l'islam et n'a pas été assidu, il ne s'est pas accroché donc à l'obéissance du prophète sans sème et le fait qu'ils sont suivis. Donc cela en vérité ne lui a pas été fait profitable. فَإِذَا تَمَسَّكَ بِدِينِهِ بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ لَا يَكُنْ يَنِي رَدَّ مِنْهُ. Et si après il s'accroche à sa religion, après avoir reconnu cela, c'est pas une ridda, il n'est pas sorti de la religion parce qu'à l'origine quoi, il n'est tout simplement pas entré. Vous voyez? Et le contraire de cela, وَنَذِرُ ذَلِكْ شَهَادَ ou plutôt l'équivalent de cela, donc une autre histoire quoi, ونذير ذلك شهادة عمه يعني أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خلال أجان البرية دينا ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. Donc un autre exemple, son oncle Abu Talib qui a reconnu cela et qui dit bien que cette religion est la meilleure des religions qui est donc descendue sur l'homme. Et pourtant, cette shahada, cette attestation, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc un prophète véridique, et que l'islam est une religion de vérité, pourtant il n'est pas entré dans l'islam, donc cela ne lui a pas été quoi? Profitable. وَمَنْ تَأَمَّلَ يَنِ مَا فِي السِّيَرْ وَالْأَخْبَرَ فَابِتَ مِنْ شَهَادَةِ كَثِرٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالرِّسَالَةِ وَأَنَّهُ صَادِقٌ فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والالتزام والالتزام تعته ودينه ظاهرا وباطنا كما يقول donc ابن القيم رحمه الله dans زاد المعاد. Donc il dit celui qui médite dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce fessiyat, dans les biographies, ainsi que les akhbar, donc les annonces, qui sont donc authentiques, lorsqu'on voit donc l'attestation de beaucoup de gens du livre, et beaucoup de mouchriquines, comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est réellement un envoyé et qu'il est véridique, cela ne leur a pas fait entrer dans l'islam pour autant. Ils ne sont pas pour autant entrés dans l'islam. Il sait, donc à partir de cela, nous, ça nous permet de savoir à partir de cela que quoi, que l'islam c'est autre chose que cela. Il y a quelque chose derrière cela. C'est pas juste le fait de dire Sahih al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est véridique. Donc le ma'rifa, le fait de savoir cela, n'est pas suffisant. Ou bien l'iqrar, reconnaître cela aussi n'est pas suffisant. Donc savoir cela, ou bien reconnaître cela n'est pas suffisant. Il faut al-ma'rifa, ta connaissance, al-iqrar, reconnaître, attester, mais aussi s'y soumettre et s'accrocher et être assidu à l'obéissance donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Dans les choses apparentes et cachées. Dans les choses apparentes, donc et cachées. Voilà. Voilà, yudhannu anna ishtirat al-qaboul muqqat bil-ibtida dukhul fil islam fahasb. Que personne pense que la condition du qaboul, du fait de l'acceptation, n'est que momentané, il n'est que pour l'entrée en islam. C'est tout. Mais plutôt, elle ne sera pas profitable que s'il reste assidu à cette soumission et cet agrément. Et qu'il mette en pratique toute sa vie ce que comprend cette parole. Et qu'il ne soit pas en contradiction avec cela, en opposition et en contradiction avec cela. وقبول كلمة التوحيد يقتضي بالضرورة أن يقبل الإسلام كله. Accepter la parole du Tawhid, donc comprend et comporte, obligatoirement, d'accepter l'islam entièrement. إخبارا وأحكاما, ce qui est annoncé et les règles religieuses. Donc ainsi que ces règles. فيقابلوا الأخبار. Donc, Qur'an wa sunnatan. Donc il va bien sûr accepter les annonces, ce qui est annoncé, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna. Mais tasdiq, en reconnaissant cela comme véridique. Walaw radda minha harfan wahidan falan yaqbalhu qayni yuqbal wa yaqbalhu faqad intaqada shart al-qabul. Si il rejette une lettre seulement, ne serait-ce qu'une lettre, et n'accepte pas cette lettre-là, donc il a en vérité annulé la condition du Kaboul. Annulé la condition du Kaboul. Et il a annulé l'attestation du Tawhid dans tout son droit. Donc en réalité. Yuqabilu al-ahkam bil-iltizam. Donc il fait face et il accepte ici. Et donc il accepte les règles religieuses en y étant assidu. فَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُلْزَمٌ وَمُخَاطَبٌ وَمُكَلَّفٌ بِهَا. Il croit fermement que cela lui est obligatoire et que cela est pour lui. مُخَاطَم, c'est-à-dire ce qui est ordonné. Donc ça le concerne. Et qu'il est responsable de mettre en œuvre ce qui lui est demandé. Et cela ne lui est pas permis de sortir de cela. Donc s'il renie une seule chose de cela, ou qu'il pense que cela ne lui est, donc il n'est pas visé et qu'il n'est pas concerné par une de ces choses-là, parmi ces règles, وأنه يسعه يعني الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم, et qui lui est permis de sortir donc de la charia du prophète صلى الله عليه وسلم fiché إما, donc en quoi que ce soit, وإن قل, même si c'est un peu, فقد انتقد الشرط القبول في حقه, il a donc en réalité dans le droit de ce choix, de cette condition, en réalité il a annulé ou il a été en contradiction par rapport à cela. فانتقدت شهادة التوحيد. Et donc en vérité, elle était muntaqada. Dernière condition, al-inqiyad, al-munafi lit-tark. La dévotion, s'y soumettre, s'y dévouer, et cela est contraire à quoi ? Au délaissement, le fait donc de délaisser cela. والمقصود باشتراط هذا الشرط في كلمة التوحيد الانقياد لما دلت عليه من المعنى ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق. Donc le vouloir dire la définition de cette condition dans كلمة التوحيد, c'est le fait de se soumettre à ce que cette parole-là possède comme science, possède comme ma'na, comme sens. C'est-à-dire qu'il adore Allah seul et qu'il se soumette à sa législation et qu'il croit en elle et qu'il croit fermement que cela est véridique, que cette législation, cette sharia, elle est véridique. فَإِنْ قَالَهَا وَلَمْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَنْقَدِ شَرِعَتِهِ. S'il prononce cette parole et qu'il n'adore pas Allah et qu'il ne se soumette pas à sa charia, بل استكبر عن ذلك فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله. Et ça c'est Mujmu' Fatawa Sheikh donc fil Asl. Non, Mujmu' Fatawa Sheikh Ibn Baz rahimahullah 1 232. Donc si il la prononce, il n'adore pas Allah Azza wa Jalla seul, il ne se soumet pas à sa charia, mais il s'est enorgueilli dans cela, il n'est donc pas musulman comme le cas d'Iblis et ses semblables. Wa qala Sheikh Abdul Rahman ibn Hassan al-Sadis, donc Sheikh Abdul Rahman ibn Hassan dit sixièmement, al-inqiyadu al-munafi lit-tark, li'anna min an-nas man yaquluha wa huwa ya'rifu ma'naha. Car il y a parmi les gens ceux qui prononcent cette parole et connaissent son sens, mais il ne se soumet pas en faisant, donc il ne se soumet pas à ses droits, aux droits de cette parole là et à ce qui est demandé obligatoirement par rapport à ses droits, à cette parole. من الوراء والبراء والعمل بشرائع الإسلام. Parmi l'alliance et le désaveu, et le fait de mettre en œuvre donc les législations de l'islam. Et l'éclaircissement de cette parole, de cette condition, بقي عليه أن ينقاد بالفعل لما التزم به. S'il le dit alors qu'il connaît son sens et que cela est véridique dans son cœur, et il veut à travers cela, il désire à travers cela la face d'Allah Azza wa Jal, et il est assidu à cela, et il a accepté cela. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Remarquez que je crois que Chéri parle, il parle des conditions auparavant. Et là, il rajoute Qabilan. Auparavant, on était comme dans le Kaboul, donc on n'y parlait pas du Kaboul, quand il parle par rapport à cela. Donc quoi ? Il doit donc quoi ? Se soumettre. C'est-à-dire par l'acte. Bil fi'l. C'est l'acte qui découle. Des actes qui sont piliers, des actes qui sont obligatoires. Il doit être assidu à cela. Des choses qu'il doit faire obligatoirement. Des choses qu'il fera donc par sunna. Mais il doit être assidu à cela. فَإِذَا لَمْ يُخْلِصْ الْعِبَادَ لِلَّهِ وَلَيَتَبَرَّأَ مِنَ الشِّرْكِ فَهَذَا لَا تَنْفَعُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Donc si par exemple il n'est pas sincère envers Allah dans son adoration et donc ne se désavoue pas du polythéisme, donc la parole de la إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ne lui sera pas profitable. وَهَوْلَاهِ كَثِيرٌ. Il y a beaucoup de gens comme cela. تركوا الانقياد بالعمل بها بما تقتضيه. ils ont délaissé cette soumission, cette dévotion, le fait donc de mettre en pratique, par le fait de mettre en pratique ce que demande, donc ça dépend du sujet, de ce que veut dire, ou plutôt de ce qui découle donc de cette parole. Min al-ikhlasi wa nafi shirk, parmi donc la sincérité et le fait de renier le shirk. Li kibrin ou hawan ou ghayri zalik. Donc c'est par orgueil ou par passion ou par autre que cela. Donc revenir à qurat uyun al-muwahhidin. Wa qad dalla ala hadha ash-shart qawluhu ta'ala ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور. Sourate Luqman, verset 22. Celui qui soumet sa face à Allah alors qu'il est bienfaisant s'est donc accroché à la anse la plus solide, et vers Allah revient la fin de toute chose, et Allah revient donc la fin de toute chose. Celui qui a fait quoi ici? ومن يسلم, donc il a en vérité donc Yuslimu, il en vérité là, Yuslimu wajhahu li Allah. Donc il a été dévoué, il s'est soumis. Il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu qu'auparavant que l'urwa al-wufqa c'était quoi? La ilaha illallah, na'am. Et le shaykh, Hafid al-Hakami rahmahullah, wa ma'na yuslimu wajhahu li Allah, yanqad wa huwa muhsinun muwahhid. Donc il dit Yuslimu wajhahu, le fait de se soumettre, c'est-à-dire qu'il se yanqad, donc il obéit. Il va en vérité se soumettre, il va obéir à Allah Azza wa Jal. Wahwa Mohsemoun, il est bienfaisant, ça veut dire qu'il est unificateur. C'est un muwahhid, c'est pas un mushrik. Waman lam yuslim wajhahu ila Allah, wa lam yakun muhsinan fa innahu lam yastamsik bil urwati al-wufqa. Dans Ma'arij al-Qabul, 1.310. Donc le sens de cela, c'est-à-dire celui qui n'a pas soumis son visage à Allah, il n'a pas été sincère. Donc en vérité, d'accord, ne s'est pas accroché donc à la hanse la plus solide. وعليه فهذا الشرط ينتقد في حق من أتى بأحد الأمرين. Donc cette condition s'annule, donc son droit s'annule pour celui qui fait une des deux choses. الأول الوقوع في الشرك. Premièrement, le fait de sombrer et de tomber dans le shirk. فَإِنَّ مِنَ الشِّرْكِ مِنْ ou plutôt فَإِنَّ مِنْ أَشْرَكَ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ الْإِنْقِيَادِ لَمَّا دَلَيْتْ عَلِهِ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ. Hein, كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ ici. Donc celui qui est associé, donc ne s'est pas soumis à ce que veut dire cette parole-là, ce que en vérité découle de cette parole. ثاني أن لا ينقد جملة لشرع الله, ou qu'il ne s'est pas soumis donc à une globalité ici, ou à certains donc points de la sharia d'Allah. فَلَا يَعْمَلْ صَالِحًا بِقَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ قَاسِدًا وَجَوَارِحِهِ. Donc il ne œuvre pas, donc il ne fait pas d'œuvre puits, c'est-à-dire pieuse, ou de bonnes œuvres, avec son corps, et en espérant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الْعَمَلْ بِالشَّرِيعَةِ بِكُلِّيَّ فَقَدْ وَقَعَ فِي التَّوَلِّي وَهُوَ ضِدُ الْإِنْقِيَادِ. Parce que celui qui a délaissé, c'est-à-dire la pratique de la sharia, il a tout délaissé, il est en vérité, il a sombré dans le fait de se détourner. Et se détourner, c'est le contraire de quoi? De l'inqiyad, de la soumission. Il a fait le contraire. وهذه القضية من الوضوح بمكان. Donc ce sujet est clair. Et on sait que من الصعب فوضح الوضوح. Parmi les choses difficiles, c'est d'expliquer quelque chose qui est déjà clair. Donc ici c'est clair. Il ne fait rien. Donc il fait partie de ceux qui se sont détournés. Il ne met rien en pratique. فإن التوحيد الذي هو مضمون الشهادة وعبادة الله وحده فمن لم يعمل كيف يعني سيوحد. Donc le mضمون, ce que comprend ici donc la shahada, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Et celui qui n'adore pas Allah Azza wa Jal, comment il pourrait donc réellement donc unifier Allah Azza wa Jal? Par quoi? Car il ne se soumet pas à Allah Azza wa Jal. ف فهذا هو التولي الكفي المنافي للانقياد. Ça c'est le détournement donc qui est de mécréance qui est contrairement à l'inqiyad. Et Allah Azzawajal dit ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين. Ils disent, nous croyons en Allah et en l'envoyé, et nous obéissons. Et puis, un groupe se détourne, et un groupe parmi eux se détourne. Après cela, donc après avoir dit cela. Certes, donc ceux-là ne sont pas quoi donc des croyants. Ceux-là ne sont pas croyants. Certes, ceux-là ne sont pas croyants. Surat An-Nur, verset 47. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh ou l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah, il dit, c'est le fait de se détourner de l'adoration. Donc Allah donc renie le fait que ces gens ont la foi, donc la foi de ceux qui se sont détournés et qui se sont donc éloignés de l'acte. Même s'il a prononcé avec la parole, et ça c'est dans Majmu' Fatawa 742. Dans Majmu' Fatawa 742. وقال رحمه الله فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد. Car la réalité, la vraie religion, c'est l'obéissance et la soumission. وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط. Et cela se complète par l'acte, mais pas par la parole, tout simplement. فَمَنْ لَمْ يَفْحَلْ لِلَّهِ شَيْئًا فَمَدَانَ اللَّهِ دِينًا. Donc celui qui n'a rien fait pour Allah, donc en vérité n'a pas eu comme la religion le fait de d'adorer Allah Azza wa Jal. وَمَنْ لَا دِينَ لَهُ فَهُوَ كَافِرٌ. Et celui qui n'a pas de religion, il est donc mécréant. Et ça c'est dans Sharh al-Umda, Kitab al-Salat. C'est-à-dire cette parole ici, Sharh al-Umda, donc Kitab al-Salat 2.86. ويشهد لهذا قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Donc à chaque fois qu'on envoie un prophète ou qu'on a envoyé un envoyé, c'est pour qu'il soit obéi بإذن الله, avec la permission d'Allah. فالدين لابد فيه من طاعة وعمل وانقياد. Donc la religion doit obligatoirement donc être dotée de obéissance, acte et soumission. والخلاصة, donc ici résumé de cela, أن الانقياد بالعمل بشرع الله في الجملة من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد. Donc ici le résumé de cette parole, c'est que se soumettre en œuvrant et en mettant en pratique donc la législation d'Allah Azza wa Jal de façon générale, donc fait partie des conditions qui vont en vérité faire profiter cette parole-là, qui seront profitables face à la parole de Tawhid, qui est la ilaha illallah. Voilà, yatanafa hada ma'a husul at-taqsir bitarki ba'd al-wajibat wa innama al-hadith yata'allaqu bitarki al-kamil. Et cela n'est pas en contradiction par le manquement et la diminution que chacun d'entre nous a en délaissant donc des obligations, en délaissant certaines obligations. Mais ici, donc, ce sujet tourne autour du délaissement total, de tout délaisser. Et le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, dit, rahmallah, وَقَدْ تَبَيَّنَا أَنَّ الدِّينَ لَبُدَّ فِيهِ مِنْ قَلْ وَعَمَلْ. Donc cela a été montré clairement que la religion, on doit trouver obligatoirement dans la religion donc parole et acte. Wa annahu yamtani'u an yakuna ar-rajul mu'minan billah wa rasulihi biqalbihi aw biqalbihi wa lisanihi wa lam yuaddi wajiban zahiran wa as-salat wa la zakat wa la siyam wa la ghayra dhalik min al-wajibat. Donc yamtani' cela, donc c'est impossible, c'est comme si on disait de voir un homme croyant en Allah Azza wa Jal et en son envoyé sallallahu alayhi wa sallam par son cœur ou par ses actes ou par sa langue, mais il n'œuvre pas. Donc il ne fait pas les œuvres qui sont apparentes, ni prière, ni aumône légale, ni jeûne, et ni autre que cela parmi les obligations. Et il dit par la suite, فَلَا يَكُنُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَدَمِ شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِإِجَابِهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc, un homme ne peut pas être croyant en Allah et en son envoyé, صلى الله عليه وسلم, alors qu'il ne fait rien parmi les obligations dont le prophète, صلى الله عليه وسلم, donc, a bien sûr rendu obligatoire, صلى الله عليه وسلم, ou qui essaie tout aussi, donc, rendu obligatoire. Donc, ça, c'est Al-Iman al-Awsat, 577. وإذا اتضح ما سبق فقد تجلى الفرق بين القبول والانقياد يعني في كلمة الإخلاص والقبول أصل ثمرته الانقياد. Donc ici lorsqu'on voit maintenant ces paroles là, cela nous a été clairement montré la différence entre al-qabul, l'acceptation, et la dévotion, qui sont des conditions donc de la parole de l'ikhlas. Et al-qabul, l'acceptation, c'est la base. Et son fruit, c'est quoi? C'est la mise en pratique. Elle crée la dévotion, donc le fait de se soumettre à cette base-là, à al-qabul. وذلك أن القبول هو الالتزام بالتوحيد واعتقاد الأنضواء. نعم. الأنضواء تحت اللواء الدين وانصياع لأحكامه واعتقاد التكليف بها والعهد والميثاق على دخول الإسلام والثبات عليه مع التسليم والترك الاعتراض. فهذا ما يحتويه شرط القبول. Après cela, donc le kabul, l'acceptation, c'est être assidu à la nuit, donc être s'accrocher à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et croire fermement que tu vas donc être placé sous l'étendard de la religion, tout en étant soumis à ses règles, et en croyant fermement aussi que quoi, que cela t'est obligatoire, donc que ces choses-là, elles te sont obligatoires, tu es responsable de cela. Donc c'est sous, ces œuvres sont sous ta responsabilité, car c'est un pacte, c'est un méfar, c'est ici un pacte, mais un had. Tu as donc pactisé par rapport à cela. Pour entrer dans l'islam et pour t'accrocher donc à quoi? Être assidu à cet islam tout en étant soumis et en délaissant donc les atirats, c'est-à-dire le fait de se détourner de cela. Tu as délaissé ça. En vérité, tu as eu la conviction ferme et tu as accepté ce pacte. Donc, hein, donc c'est un pacte. Et en plus, tu t'es quoi? Tu as soumis à Allah Azza wa Jalla, donc à l'islam, et tu as, donc ici, tu t'accroches à ça. Tu restes ferme et tu te consolides par rapport à cela. Tout en étant soumis et en délaissant, donc le fait, ça va l'air d'être en te détournant de l'irtirad. L'irtirad, ça veut dire le fait en de se détourner. Donc tu ne vas pas te détourner. فهذا ما يحتويه شرط القبول. القبول, donc sa condition elle est là. أما الانقياد فأن يقوم بالفعل بما التزم به من الإخلاص لله عز وجل والنفي الشرك والعمل بشريعة الله عز وجل في الجملة. C'est l'inqiyad, donc le fait de se soumettre et d'être dévot, c'est de mettre en pratique donc ce que va comporter donc obligatoirement la sincérité d'Allah Azza wa Jal, et le fait de renier le shirk, et le fait de mettre en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la législation d'Allah Azza wa Jal de façon générale. Wallahu a'lam. Donc on a terminé ici, et donc inshallah, donc la suite c'est demain à Bruxelles, à partir de Vore, au centre. Au centre, donc au centre de Bruxelles. Donc la suite, inshallah, demain, donc avec le frère Souleymane et moi-même. Barakallahu fikoum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.